Nos états riches fabriquent des exclus. Ce n'est pas en eux qu'ils investissent, ils sont hors jeu et cela ne vexe plus. C'est chacun pour soi et un texte triste, critique et civique n'a plus d'influence sur les masses sans éthique ni indulgence. Pas du tout le temps pour venir en aide, démunis, toujours là pour faire la fête sans se soucier de ceux qui n'ont rien. Ils ne font pas partie des gens bien fréquentables. On oublie la misère, pas très rentable. On vogue sur la rivière de l'individualisme, plus de pouvoir d'achat, peu importe, les autres peuvent crever. Ainsi, oui, tu assistes à ça sans tracas, trop fier pour les aider à se relever. La pauvreté toujours en tête d'affiche, trop peu se battent pour la réduire. Rares sont ceux qui s'entêtent, ça attriste leur but, leur souffrance l'atténuer. Je vous appelle à réagir, bougez, sortez vos mains des poches, touchez la misère car elle est proche. Ils ont besoin de soutien et d'éloges. Ils ne s'intéressent qu'au nouveau marché, comment faire fructifier leur capital. Leur nom sent dans les journaux achetés, ils créent un besoin qui n'est pas vital. Posséder, consommer jusqu'à s'endetter, à l'image de nos états enchaînés au système bancaire puis tout privatisé. Le social est mort pour rivaliser face à la concurrence, être plus rentable. Lutter contre la misère, ça tu t'en tapes. Qu'une seule guerre, c'est celle des prix. Peu importe leur déchéance et leur cri, l'emploi s'en va exploiter ailleurs pendant qu'ils fument des cigares en tailleur. Mais il existe encore des Coluche, des Lady Di, des exceptions mais trop peu de messie. La pauvreté toujours en tête d'affiche, trop peu se battent pour la réduire. Rares sont ceux qui s'entêtent, ça attriste leur but, leur souffrance l'atténuer. Je vous appelle à réagir, bougez, sortez vos mains des poches, touchez la misère car elle est proche. Ils ont besoin de soutien et d'éloges.